Bonjour et bienvenue dans les chemins de la philosophie. Avant de reprendre l'antenne la semaine prochaine, nous vous proposons cette semaine de redécouvrir une série d'émissions consacrées au cinéma avec au programme Hitchcock, Visconti, Jacques Demy et Jean-Pierre Jeunet, c'est-à-dire Alien. Aujourd'hui, pour commencer, La guerre des mondes d'Orson Welles. Restez à l'écoute, je vais vous parler d'un temps que vous avez sinon connu, du moins imaginé. En ce temps-là, la radio, c'était quelque chose. Quelque chose comme un gros meuble dans votre salon, l'équivalent de ce qu'est la télé aujourd'hui. Elle tenait une grande place dans la vie des gens. La radio, avant le temps des transistors, ce n'était pas seulement un bruit dans la poche du voisin, c'était une expression de l'autorité. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. Eh oui, c'est à Orson Welles que nous devons cette phrase sur la radio. Et en matière de radio, comme pour le cinéma d'ailleurs, nous lui devons bien plus qu'une phrase. Ce sont des centaines, voire des milliers d'heures de feuilletons radiophoniques qui ont littéralement révolutionné l'art de la narration. Né en 1915, il fut donc connu bien avant Citizen Kane. Il fut même connu tôt, très tôt, un peu trop tôt. Ce n'est pas extraordinaire du tout pour un homme de talent d'être célèbre à 25 ans. Vraiment pas. Pourtant, tout le monde nous a dit que vous étiez un génie. Tout le monde, non. Je ne suis pas d'accord que je suis un génie. Je ne suis pas un génie. Il y a deux, trois génies dans notre siècle. Il y a Picasso et Einstein. Peut-être un chinois qui ne connaît pas. Non. C'est pas un génie. Vous avez été un enfant prodige aussi. Ça dépend de l'opinion de parents. Il y a la difficulté avec le sang, je crois, non? Non, mais qu'est-ce que vous aviez fait pour, disons, être déjà célèbre à 10 ans? Ça, c'est une question, toutes mes excuses, dans l'endroit de l'autobiographie. Mmh. Non, mais ça coûte cher pour la télévision. Bonjour François Thomas. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes collaborateur de la revue Positif, professeur à la Sorbonne Nouvelle. Et peut-être connaissez-vous la réponse que Welles refuse de donner. Pourquoi est-il si célèbre si tôt? Ah, eh bien, très tôt, il a montré des dons multiples. Il faut rappeler que sa famille était elle-même assez célèbre, même très célèbre. On sait maintenant que lorsque Welles est né, il a eu droit à la première page du journal local. Sa mère était pianiste amateur, se produisait beaucoup. Et quelles que soient les raisons qui ne s'expliquent pas nécessairement, très tôt, il a été amené à se produire au théâtre, notamment lorsqu'il était collégien, lycéen, et ses dons faisaient l'admiration de tout le monde, le coupaient peut-être aussi de beaucoup de ses congénères. Donc ce sont d'abord ses dons d'acteur. Oui, acteur et puis musicien, c'est quelqu'un qui au départ aurait pu aussi faire cela, prestidigitateur. Et on l'oublie souvent tellement il avait de casquettes en tant qu'homme de théâtre, de radio, de cinéma, en tant qu'orateur, en tant que politicien même pendant quelques années ou apprenti politicien. Mais c'était un prestidigitateur qui jusqu'à la fin de sa vie a eu des activités professionnelles et se mêlait au monde des prestidigitateurs professionnels. Ce qui, du reste, explique peut-être certains de ses tours de force ou de ses tours de magie radiophonique ou cinématographique. Vous dites, vous m'avez dit, avant le début de cette émission, qu'Orson Welles, vous devez à Orson Welles avoir changé de trajectoire. Oui, c'est une plaisanterie, mais elle a certainement une part de vérité, puisque nous sommes ici dans les chemins de la philosophie, oui. J'ai fait des études de philosophie, et c'est véritablement sans Orson Welles, c'est un autre metteur en scène, autant le citer Alain René, je ne me serais sans doute pas dirigé vers les études cinématographiques, et sans Orson Welles, je ne me serais pas passionné pour la radio américaine, puisque bien au-delà, si on veut comprendre ce qu'a fait Welles à la radio pendant une grosse dizaine d'années, il faut aussi se familiariser avec tout ce monde. Or, ce monde, aujourd'hui, il est assez facile de le connaître. Autrefois, il fallait compter avec quelques rares 33 tours disponibles qu'il fallait aller acheter à Londres ou ailleurs. Et ensuite, il y a eu la vente par correspondance de 3 revendeurs américains qui vous envoyaient des cassettes audio que vous attendiez. Ensuite, pour écouter les émissions d'Orson Welles, la totalité, il a fallu que je complète en allant aux États-Unis. Il n'y avait que un endroit et demi, l'autre avait seulement une petite partie des émissions, où l'on pouvait écouter l'ensemble. Et puis maintenant, tout est disponible sur Internet et on peut se familiariser avec tout. Alors, certaines émissions sont perdues, mais on peut reconstituer la carrière de Welles ou de n'importe qui aujourd'hui sur Internet très très très très facilement. Donc, des milliers de spécialistes potentiels de l'œuvre radiophonique de Welles sont peut-être en train de commencer. On connaît surtout Welles aujourd'hui comme étant le réalisateur de Citizen Kane, voire d'autres films qu'on a peut-être vus, La Splendeur des Amberson, etc. On en parlera cette semaine. Mais nous avons choisi de commencer cette série sur Welles ainsi parce que même chronologiquement c'est le cas. Il est également très connu pour son travail radiophonique. Alors, quelques dates, c'est dès 1935 qu'il fait ses débuts à la radio. Oui, absolument. Et il passe des heures et des heures et des heures, non seulement à travailler sur certains textes, mais aussi à l'antenne. Et c'est pas exagéré de dire qu'il change complètement, voire qu'il révolutionne la manière de faire de la radio, de proposer des feuilletons radiophoniques. Oui, tout à fait. Alors, ça se passe en deux temps. Alors, tout d'abord, le théâtre préexiste quand même. Hein. Il a toute une activité d'homme de théâtre amateur, d'acteur, et puis il devient metteur en scène professionnel dès 1936. Mais en 35, s'il commence à la radio, c'est grâce à une pièce de théâtre qu'il interprète. Il interprète un rôle de sexagénaire, MacGafferty, un magnat de l'armement, si ma mémoire est bonne, et il est donc invité à recréer... Alors qu'il a 20 ans. 19. 19 ans. Oui. Il est invité à recréer son rôle dans une émission très célèbre de l'époque, The March of Time, qui reconstituait chaque semaine les événements de la semaine. Donc, qui reconstituait, ça veut dire que on n'allait pas enregistrer en direct, on n'allait pas enregistrer ensuite diffuser en différé Eleanor Roosevelt ou autre. Il y avait des contraintes techniques énormes. Donc, c'était une convention parfaitement acceptée par les auditeurs. Des acteurs jouaient. Par ailleurs, ça permettait de condenser, bien entendu. Jouer l'actualité. De jouer l'actualité, de la recréer. Donc, les acteurs étaient spécialistes de Roosevelt, d'Eleanor Roosevelt, de Mussolini, de Hitler. Welles n'a pas fait Eleanor Roosevelt, mais les trois autres que je viens de mentionner. Et donc, c'était anonyme pour les acteurs, étant donné qu'ils étaient censés recréer tous ces personnages. Mais c'était vraiment une coterie, extrêmement bien considérée. Les acteurs, à ce moment-là, étaient extrêmement spécialistes de l'imitation, des personnages réels, bien sûr, mais également de l'imitation des accents locaux et des accents régionaux américains, ce qui est absolument capital. On n'a pas ça véritablement en France, où on n'avait pas à cette époque, et des accents étrangers. Donc Welles a été un des imitateurs les plus demandés de la radio. Et ses débuts, donc, c'est un rôle de sexagénaire, alors qu'il avait 19 ans, mais aussi, comme ce jour-là, le spécialiste des voix d'enfants était indisponible et que il fallait faire un petit peu après la naissance des quintuplés Dionne, les quintuplés canadiennes, les premières quintuplés qui soient jamais nées, eh bien Welles a proposé de le faire. Je sais faire les voix d'enfants. Il a imité des quintuplés. Voilà. 5 voix différentes pour 5 bébés différents. Des bébés, oui, c'est ça. Avec, en leur donnant à chacun des gémissements, vagissements ou cris distincts. Mais tout le monde savait que c'était une émission de narration ou est-ce que ça se présentait comme une émission d'actualité? C'était une émission d'actualité, en anglais reenactment, recréation. Ouais. Tout le monde savait donc que c'était des acteurs, mais ces acteurs étaient extraordinaires, pas seulement Welles. Hein. Bon, c'était les débuts de ce qu'on appelle l'âge d'or de la radio. On le fait se terminer à des dates différentes selon les avis. Ah, il est terminé. Je parle de l'âge d'or de la dramatique. Ah. Excusez-moi. Parce que vous n'écoutez pas France Culture, mais il y a encore des dramatiques. Bien entendu. Oui, bien entendu. Mais l'âge d'or de la, il y en a, mais ça n'est pas comparable en termes de quantité avec les nombreuses dramatiques quotidiennes. Il n'y avait pas de télévision. Le média numéro un pour le public, c'était la radio. C'est au point que il y avait des films, certes, mais ces films, ils étaient eux aussi recréés. Vous aviez au moins deux émissions par semaine qui vous permettaient de réentendre Morocco de Sternberg, enfin d'entendre, si l'on veut. Notamment, le programme de Cécile B2000 était fondé sur cette idée-là. Donc, pour revenir à Wells, ensuite, eh bien, il a fait Sigmund Freud, le maire de New York, Fiorella LaGuardia, pour parler d'émissions qui existent toujours, qu'on peut écouter encore aujourd'hui. Pour moi, le sommet, c'est une émission du début de l'année 1938, où c'était après les récompenses des critiques new-yorkais des 10 meilleures interprétations cinématographiques de l'année. Et donc, une minute pour chacun. Et il y a donc 10 petits numéros, et Wells fait Spencer Tracy dans un film, Paul Muni dans deux films différents, dans le rôle de Zola et dans un rôle de Chinois, et Frederick March dans la première version de L'Étoile aînée, et l'imitation est absolument à s'y méprendre. Alors, on n'a pas exactement cet extrait, parce que tous ne sont pas complètement disponibles. Hein. Parfois, c'est plus difficile d'en trouver certains que d'autres, mais voici quand même un extrait de The March of Time, du 18 janvier 1937. Bien sûr, le son est en anglais, ça n'aurait eu aucun sens de le faire doubler. Écoutez, soyez attentifs au rythme, aux voix, et puis vous allez nous commenter ensuite cet extrait. The March of Time. Exactly 1 year ago today, Life, the magazine of pictures, published its first issue. Again tonight, the editors of Life join the editors of Time, the weekly news magazine, in presenting by radio the reenactment of memorable scenes from the news of the week. From the March of Time! Send an SOS without the captain's orders. Don't be a fool. Boat will be at the bottom of the Atlantic in half an hour. I can't help it. I've got to wait for orders. Send it. Put on that knife. Are you going to send it? But I tell you what. Send it. Send out that SOS. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'entendre un extrait de The March of Time, l'émission d'Orson Welles, émission radiophonique diffusée en 1937, émission qui est devenue quotidienne, dans laquelle il rejouait donc des éléments liés à l'actualité. On s'imagine ici, François Thomas, qu'il s'agit d'un naufrage, sans doute on est sur un bateau, il s'agit de lancer des SOS. Oui, absolument. Alors, l'intérêt peut-être immédiat lorsqu'on écoute The March of Time, tout ce qu'on a entendu, les indicatifs musicaux et autres, la présentation de l'annonceur, c'est ce qu'on entendait vraiment une fois par semaine exactement. Et vous avez entendu le côté un peu sentencieux de cette voix, et eh bien, dans Citizen Kane, je pense que tous les spectateurs de ce film se rappellent la bande d'actualité News on the March qui intervient après les deux premières minutes, et c'est absolument le pastiche des March of Time, à la fois radiophonique et cinématographique, puisque c'était aussi une bande d'actualité cinématographique. Alors, dans ce que nous venons d'écouter, c'était assez gonflé de mettre aussi fort le bruit de l'ouragan, et Wells se souviendra vraiment de cela par la suite. Il y a au moins deux émissions, il y en a plus, il y a deux émissions qui sont absolument incroyables dans ce domaine. Wells aimait la surcharge sonore, et il s'agissait vraiment de nous faire écouter, là je suis passé à Wells au deuxième temps, Wells non plus acteur simplement, mais metteur en onde, le Wells vraiment voulait nous faire tendre l'oreille. Il ne s'agissait pas du tout de laisser la moindre possibilité à l'auditeur de passer à autre chose, et encore moins de changer d'antenne. Donc, le meilleur moyen dans les émissions les plus culottées de nous obliger à tendre l'oreille, c'est de noyer le dialogue par le bruitage. Donc, par exemple, la toute première émission du Mercury Theatre on the Air, 11 juillet 38, Dracula, eh bien, un grand voyage en Transylvanie de Jonathan Harker, interprété par Josh Colwes, qui joue le banquier de Citizen Kane, pour aller rencontrer le comte Dracula, auquel il veut acheter une maison. Et ce voyage en diligence, ou approchant, est rempli de bruits de cavalcade, de hennissement de chevaux, etc. Il faut tendre l'oreille pour entendre le dialogue. Et je parlais juste avant des tempêtes en mer, des ouragans. Deux émissions, je vais peut-être me contenter de Hell on Ice. Il n'y a pas de titre français, c'est un livre, un best-seller de 1938 qui n'a pas été traduit en français. Et la les deux tiers de l'émission, c'est un ouragan, c'est une expédition au pôle Nord. Tout le monde est décimé, les explorateurs sont décimés les uns après les autres. Et vous devez, du début à la fin ou presque, tendre l'oreille pour entendre ce qui se passe. Il l'a fait systématiquement. Alors, tendons l'oreille, voici un extrait du Dracula, toujours 1938. Écoutez comment il a recours à des structures narratives complexes où on mêle la narration d'un personnage à des journaux intimes, un journal de bord, des coupures de presse, des télégrammes, et puis ce bruitage si particulier fait à voix humaine, semble-t-il. Count Dracula. Yes, my young friend. Well, what of me? When am I free? When can I leave this place? Free? Mr. Harker, you're always free. You want to leave? Would you like to leave tonight? Yes, yes, in God's name. My dear young friend, not an hour shall you wait in my house against your will. Come, follow me. The door seems to be bolted. How strange. The door is locked. Well, in God's name, open it. As you will, Mr. Harker. You English have a proverb which is very close to my heart. Welcome the coming, speed the parting guest. Good night, Mr. Harker. Shut the door! Shut the door! I said, shut the door! The door is shut, Mr. Harker. I take it you will remain. Pas besoin de comprendre ce qui est dit pour entendre la spécificité de ce feuilleton, hein, François Thomas. Il faut dire quand même quelques mots de sa technique particulière. Il emploie le terme de projection. Oui, mais avant, peut-être traduisons quand même un tout petit peu ce qui vient de se passer. Donc, Jonathan Harker se plaint d'être prisonnier dans le château de Dracula, mais celui-ci lui répond, mais non, vous êtes tout à fait libre de vous en aller. Je vous ouvre la porte, et évidemment, les hurlements de loup que nous avons entendus sont beaucoup plus forts une fois la porte ouverte, et Harker décide de rester pour son malheur. Alors, les hurlements de loup, bon, ça illustre parfaitement ce que je disais précédemment, mais il faut aussi mettre ça en contexte, hein, avec la radio de l'époque. L'extrait de The March of Time qu'on a entendu est tout à fait atypique, mais même avec le cinéma de l'époque, lorsque Todd Browning réalise Dracula avec Bela Lugosi au début, une des répliques les plus fameuses de Dracula lors de sa première apparition, c'est Children of the Night, écoutez les enfants de la nuit, c'est-à-dire les loups. Et dans le film, vous entendez un loup très timide, très loin du déchaînement des loups humains, interprété par des acteurs que nous venons d'entendre. Alors, en ce qui concerne la projection, c'était vraiment le cœur de l'adaptation de Wells. Justement, il récusait le terme adaptation que je n'aurais pas dû employer. D'abord, il y a question du choix des sujets. À l'époque, la plupart des émissions dramatiques étaient, en dehors de scénarios originaux pour des feuilletons, la plupart des dramatiques étaient des adaptations de pièces de théâtre et indiquées comme telles. Avec, quand il y avait très rarement des narrateurs en réalité, plutôt des présentateurs, des annonceurs au tout début, et on disait « le rideau se lève sur ». Wells a récusé ça, et dans la première partie de son œuvre radiophonique comme metteur en onde, la quasi-totalité, c'était soit des romans, soit des nouvelles, mais plutôt des romans qui font des centaines de pages, comme « Les Misérables », comme « Le Comte de Monte Cristo », ou même « Dracula » qui est également très long, et au lieu d'évacuer le côté romanesque, le côté narratif plutôt, il le revendique. Pour lui, la radio, même si ça s'appelle en anglais radio show, ou pour nous dramatique, ça n'est pas un art dramatique, c'est un art narratif. Et c'est le narrateur, presque toujours Wells lui-même, bien entendu, qui nous prend par la main du début à la fin. Donc il s'agit d'intercaler narration, scène dramatique ou dialoguée, narration, scène dramatique ou dialoguée. Ça, c'est ce qu'il appelle la projection, cette technique narrative. Absolument. Et, mais plus précisément, pourquoi projection ? C'est parce que il s'agit véritablement de projeter ou de transférer l'œuvre romanesque plutôt que de ne garder que le dialogue. Il s'agit aussi de conserver le parfum littéraire de l'auteur. Puisque, par ailleurs, à ce moment-là, il s'agit essentiellement d'ouvrages classique de la littérature occidentale, aussi bien anglo-saxonne que européenne. C'est quelque chose qu'il reprendra au cinéma, avec la présence très forte de la narration, notamment dans La Soirée des Anderson, dans une moindre mesure dans Une histoire immortelle d'après Isaac Dinsen, le nom de plume de Karen Blixen, et encore plus dans son tout premier projet avant même Citizen Kane, qui était une adaptation de Au cœur des ténèbres de Conrad, et du début à la fin, c'était un dérivé extrêmement clair des techniques de transposition ou de projection de la radio. Alors, l'important, c'est, vous pourriez penser que une dramatique radiophonique de l'époque, enfin même la plupart du temps c'était le cas, eh bien prenons le temps d'installer les situations, ayons des scènes longues, ayons peu de comédiens, peu de personnages, et Wells, c'est absolument le contraire. C'est tout l'inverse. Voilà, plus les scènes sont courtes, mieux c'est, parce que ça va favoriser la multiplication des transitions. Plus il y a de personnages, mieux c'est. Et de surcroît, alors là, ça varie beaucoup selon les émissions, mais très souvent, plus il y a de musique, mieux c'est. La musique, la plupart du temps, c'est Bernard Herrmann qui s'en charge. En tant que directeur musical, il dirige l'orchestre et tantôt il fait des partitions essentiellement originales, comme pour Dracula. Tantôt il mêle un peu de musique originale et des emprunts musicaux, ou bien il a son stock de morceaux personnels qu'il va réutiliser de telle façon, de façon différente d'une émission à l'autre. Mais je me rappelle notamment quand j'ai pu écouter de façon continue toute une partie de l'œuvre, une valse qu'il avait probablement écrite au départ pour Jane Eyre, et qui ensuite se retrouvait dans tout un ensemble d'émissions, à chaque fois qu'il y avait une situation romantique et tragique à la fois, une valse qui vous mettait les larmes aux yeux. Et par ailleurs, il y a évidemment beaucoup d'influence de la pratique radiophonique Herman Wells dans les deux premiers films de Wells, Citizen Kane et La Soirée des Anderson, où il a invité Herman à faire ses première partie en cinéma. C'est fascinant de voir à quel point cet homme qu'on associe beaucoup au cinéma aujourd'hui plus qu'à la radio, puisque le cinéma et la télé sont devenus plus importants que la radio dans nos vies quotidiennes, quoique ce serait encore à démontrer, avait un tel sens de l'oreille, de l'ouïe. En fait, tout son travail radiophonique montre que pour lui, la narration passe par un certain ton, un certain rythme. Il est extrêmement attentif. Et on va retrouver ça dans son cinéma, doublé d'une importance accordée à l'espace, évidemment. Mais c'est vraiment intéressant, même pour comprendre le Wells réalisateur, de garder en tête cette attention. Et là, on peut presque parler de génie, en tout cas de talent très très fort, pour arriver à faire entendre, à trouver la meilleure façon pour faire entendre ce qui doit être dit. Oui, vous avez dit doublé du sens de l'espace pour le cinéma, mais le sens de l'espace, il est vraiment là à la radio, parce que une de ses forces, c'est de nous faire imaginer l'espace, de le faire représenter par le son, et notamment par le relief. À la radio, vous avez la préfiguration de, j'ai envie de dire, de la profondeur de champ fameuse qu'il a pu aborder au cinéma. Tout est étagé. Si on revient à la narration, par exemple, quelque chose de très très fort dans certaines émissions, je pense au Comte de Monte Cristo. À un moment, Wells est narrateur, mais il doit, en tant que personnage, se cacher, puisqu'il est à la fois narrateur et personnage, vous l'avez compris. Donc, en tant que narrateur, il baisse la voix, il chuchote pour ne pas être entendu par les autres personnages, et vous avez l'impression véritablement d'être dans la scène avec lui. Même chose dans L'île au trésor, sa deuxième émission de The Mercury Theatre on the Air, lorsqu'il faut se cacher des pirates. Il fait sentir l'espace. Par exemple, je reviens au Comte de Monte Cristo. Il est question de jeter un grand sac contenant normalement Edmond Dantès du haut d'une falaise, et vous sentez la hauteur de la falaise, vous entendez le bruit du vent, etc. Vraiment, Le travail sur les bruitages est extrêmement impressionnant. Et il faut dire aussi, enfin, il faut donner beaucoup à Wells, mais Wells était le premier, la plupart du temps, à reconnaître qu'il s'agissait d'un travail d'équipe. Wells avait des bruiteurs excellents. Il avait le meilleur compositeur, bien sûr, avec Bernard Herrmann. Et il y a quelque chose de très important qui est que c'était des années d'expérimentation. Les règles de la dramatique radiophonique, c'est vraiment dans ces années-là qu'elles se sont définies. Par Wells, par d'autres, évidemment, il y avait d'autres metteurs en ondes très talentueux, mais ces autres metteurs en ondes, ils n'étaient pas en même temps leurs propres comédiens. La force de Wells, c'est premièrement d'arriver au bon moment. Cinq ans plus tôt, c'est trop tôt. Cinq ans plus tard, ou même trois ans plus tard, c'est peut-être déjà trop tard. Et de s'être retrouvé avec cette capacité à tout faire. Alors, tout, c'est légèrement exagéré, mais il est producteur. C'est-à-dire qu'il le choisit, au moins dans un premier temps. Ensuite, il aura un parrain publicitaire qui lui mettra des bâtons dans les roues. Et c'est The Mercury Theatre on the Air. Oui. Le théâtre Mercury, en fait, c'est le nom voilà. de sa production. J'y reviendrai sur, sur le nom. Donc, il est son propre producteur. Ça veut dire qu'il choisit les sujets, il choisit le personnel artistique, à commencer bien sûr par les comédiens. Il est son propre présentateur-animateur, il est son propre narrateur et il joue la plupart du temps le rôle principal et puis de temps en temps même un rôle secondaire. Ce qui, par parenthèse, ce qu'il fera également dans ses films, pas de visu mais à l'oreille. Si vous écoutez Le Procès, par exemple, ou si vous le regardez tout en l'écoutant, vous pouvez déceler que la plupart des personnages masculins sont doublés soit intégralement, soit partiellement par Wells. Et son art donc de la transformation vocale, il se manifeste par tous ces personnages qu'il interprétait dans ses films, en plus du personnage qu'il interprète à l'image, par exemple dans Othello, Rodrigo, mais vraiment, je pourrais multiplier les exemples, c'est au point que parfois, Wells en Falstaff, par exemple, répond à Wells en un autre personnage pour le doublage. Donc, je disais, les autres metteurs en nom de très talentueux de l'époque n'étaient que metteurs en ondes, ou bien, pour l'un d'entre eux, scénariste, Norman Corwin, ou bien d'excellents comédiens, parce que des comédiens du talent de Wells, il y en avait, et notamment deux qui jouaient très très souvent, parmi les plus employés par Wells dans ses propres émissions. Autant les citer, l'un c'est Ray Collins. Les deux d'ailleurs jouent dans La Guerre des Mondes. Ray Collins, on peut le connaître par le rôle du politicien Boss Jim W. Gettys dans Citizen Kane ou de l'oncle Jack dans L'Ascendance d'Anderson. Il joue aussi un petit rôle dans La Soif du Mal. Et à le voir dans ses films, vous avez l'impression d'un bourgeois avec un peu d'embonpoint réservé. Vous n'avez pas l'impression de voir un acteur génial. Enfin, il est excellent, bien sûr, dans les films, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas l'impression de voir un acteur qui peut se transformer. Et justement, quand j'écoutais les émissions radiophoniques de Wells pour la première fois, pour moi, le jeu, c'était de deviner qui jouait quoi. En tout et pour tout, il y avait deux comédiens que j'identifiais assez facilement. Ils avaient une voix assez reconnaissable qu'ils n'arrivaient pas à transformer. Mais Ray Collins, la plupart du temps, à la fin, lors des annonces, lorsque Wells faisait le générique, j'apprenais qu'il jouait des rôles, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec l'image que l'on pouvait avoir de lui, et des rôles complètement extravertis. L'autre, c'était Frank Reddick, il a joué seulement dans un film que Wells a produit sans le réaliser vraiment, Voyage au pays de la peur, et même chose, méconnaissable. Le travail radiophonique de Wells est connu aujourd'hui grâce à une émission, La Guerre des Mondes, 1938. À vous écouter, François Thomas, on comprend les conditions de travail qui étaient celles de Wells quand il produisait ses émissions quotidiennes, les heures, les centaines d'heures de travail que nécessitait chaque production. On va entendre une description de la préparation de cette émission, La Guerre des Mondes, par John Houseman. Deux mots avant qu'on entende ce texte, puis un extrait de La Guerre des Mondes. D'ailleurs, d'abord, la société de production, le Mercury Theatre, un mot. Et puis, qui est John Houseman dont on va entendre un texte? Alors, John Houseman, c'est quelqu'un de très important pour la carrière de Wells, mais les chemins ensuite ont dévié. Ils sont devenus manifestement des ennemis après avoir été extrêmement proches. John Houseman, c'est lui qui a repéré Wells. C'est lui qui a fait commencer Wells au théâtre. Sans lui, évidemment, la carrière de Wells aurait existé, mais elle aurait existé de façon plus lente. Donc, il a invité Wells à mettre en scène une pièce dans l'unité noire, je veux dire par là, le Negro Unit, c'est-à-dire le Federal Theatre, qui était subventionné par le gouvernement pour donner du travail aux artistes théâtraux au chômage pendant la Grande Dépression, avait un département, un service réservé aux acteurs noirs. Et Hausman a proposé à Wells de mettre en scène une pièce dans ce cadre, et ça a été un Macbeth vaudou historique, interprété uniquement par des Noirs et transposé en Haïti au 19e siècle. Ensuite, Hausman a engagé Wells plusieurs fois, et après que l'une de leurs productions les a menés à défier le gouvernement américain, ce qui a permis à Wells de se retrouver en première page des journaux, eh bien, ils ont décidé de créer leur propre théâtre. Ils l'ont intitulé le Mercury Theatre. Pour trouver les comédiens de ce théâtre, Wells, évidemment, s'est servi dans le vivier radiophonique. On pense souvent que le Mercury Theatre on the Air, littéralement le Mercury Théâtre, le théâtre Mercury sur les ondes, c'est le transfert de la troupe théâtrale vers la radio. En réalité, c'est en partie le contraire. Wells avait les meilleurs acteurs possible à la radio, parmi ses condisciples, donc il les invitait dans son théâtre. Mais évidemment, c'est le succès phénoménal de ce théâtre qui était en plein Broadway, une sorte de théâtre d'art et essai, de répertoire, en plein Broadway commercial, dans par ailleurs le bon sens du terme. Je crois que tous les historiens du théâtre américain reconnaissent que c'est quelques années, c'est très peu d'années, mais ont été absolument fondamentales. Et lorsque Wells se tourne vers la radio chez CBS, donc Hausman de nouveau le rejoint et est avec lui coproducteur, mais cette fois-ci non plus à égalité, mais sous Wells. Néanmoins, c'est lui qui, tout au départ, en ne connaissant rien à l'écriture du scénario, contribue aussi à... il écrit les premiers scénarios, le premier avec Wells, les autres sans Wells, et ensuite il forme les scénaristes successifs. Autant dire, le rôle de Wells, très souvent, c'était l'équivalent du showrunner, aujourd'hui pour les séries télévisées. Dans un premier temps, donc, tout faire, et dans un second temps, apprendre aussi à déléguer. C'est la raison pour laquelle, eh bien, en un an et demi, vous avez 78 émissions, qui, lorsque Wells s'investissait profondément. C'était lourd, hein, quand même, parce que en même temps qu'une émission par semaine, il pouvait répéter la pièce d'après, jouer sur scène, etc. Tourner un petit film à un moment. Enfin, lorsqu'il commence, même, c'est dément. Lorsqu'il commence ses premières émissions qu'il supervise de très près, en même temps, il fait du théâtre et il tourne un petit film retrouvé depuis pour une mise en scène intitulée Too Much Johnson. Donc il faut préciser, Wells travaillait au moins 18 heures par jour, le lendemain de la Guerre des Mondes, 3 heures de sommeil. Alors il faut y venir, la Guerre des Mondes. Volontiers. Bon lapsus, la Guerre des Ondes, ce serait une autre histoire. Guerre des Mondes 1938, écoutez les conditions de préparation de cette émission. Je rappelle que La Guerre des Mondes, c'est un texte de l'autre Wells, H.G. Wells, H.G. Wells, qui raconte, pour faire bref, on va entendre en détail ensuite l'émission et donc l'histoire, le débarquement des Martiens sur Terre par soucoupe volante. La carrière du Mercury sur les ondes durait depuis 4 mois. La Guerre des Mondes fut notre 17e émission. Avec le début de la saison théâtrale, comme Wells et moi ne pouvions plus assurer seuls l'élaboration des émissions, nous avions augmenté notre équipe de 2 personnes, notamment un homme très grand, maigrelé, aux yeux caverneux, un jeune homme grave, se nommant Howard Coe, qui, après le succès de l'une de ses pièces jouées par le Théâtre fédéral à Chicago, avait abandonné le droit et, avec femme et enfant, était venu à New York pour gagner sa vie comme écrivain. Il était désemparé, fin lettré et sans le sou, ce qui le qualifia pour être membre du Mercury. Même avec ce renfort, tout le monde était perpétuellement submergé de travail. Les émissions étaient créées semaine après semaine dans des conditions particulièrement éprouvantes nerveusement et physiquement. Mais nous avions graduellement mis au point entre nous un système de travail, une sorte de routine chaotique qui était censée nous aider à pallier les excentricités de notre chef. La Guerre des Mondes faillit ne jamais être répétée. 5 jours avant l'émission, Howard Koh m'appela au théâtre. Il était complètement effondré. Après avoir passé 3 jours à s'éreinter sur la fantaisie scientifique de H.G. Wells, il était prêt à tout abandonner. En aucune façon, déclara-t-il, on ne pouvait en tirer un scénario intéressant ou même seulement crédible pour les oreilles américaines modernes. Annie prit le téléphone. « C'est infaisable, Ousmane, gémit-elle. Ces vieux martiens ne sont qu'une série de fadaises. C'est complètement idiot. Nous allons passer pour des imbéciles, de parfaits imbéciles. » Nous tombâmes d'accord que la seule façon de s'en sortir était d'accentuer le côté actualité et de multiplier les effets dramatiques afin de donner une impression d'authenticité. Le dimanche 30 octobre à 20h, dans le studio jonché de verres en carton et de papier gras, Orson avala un deuxième récipient de jus d'ananas, coiffa son casque, leva ses longues mains blanches et donna le départ au générique du Mercury. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Et vous écoutez bien France Culture, les chemins de la philosophie. On va entendre la première interruption qui caractérise donc cette émission, la guerre des mondes. Donc là, il faut s'imaginer, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un journaliste qui dit on interrompt le programme parce qu'on vient d'apercevoir près de Chicago plusieurs explosions de gaz incandescent. Et puis on voit aussi qu'il y a une espèce de jet de flamme bleue qui provient d'un canon. Quelque chose se passe. C'est quand même une espèce de putsch radiophonique. Hein. On interrompt un programme, enfin on fait semblant en tout cas, pour dire attention, quelque chose arrive et ce sont les Martiens qui débarquent. Alors les putsch radiophoniques, à l'époque, ça existait beaucoup. Et même quand vous entendez, je ne sais plus si c'est l'émission précédente ou 2 semaines plus tôt, vous en avez un. C'était quelques semaines après les accords de Munich, la crainte d'une invasion même par Hitler était très forte. Ce contexte historique explique aussi le succès de la guerre des mondes. Hein. Parmi ceux qui ont cru qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une invasion, certains ont cru. Certains l'ont pris au sérieux. Oui, bien sûr. Un nombre important même. Mais c'est le fait que les États-Unis craignent une invasion, soit dans une période d'angoisse particulière, qui a permis à cela de marcher. Donc les interruptions pour donner les nouvelles de l'Europe et les nouvelles de Hitler étaient fréquentes. Alors, simplement, ce que l'extrait que vous avez choisi montre bien le principe de l'émission. On ne démarre pas directement par les Martiens et on démarre de façon... les auditeurs qui entendent pour la première fois ce que nous venons d'entendre peuvent se demander mais pourquoi est-ce que c'est si extraordinaire? Nous avons entendu une musique sur un tempo particulièrement lent. Bon, le principe des 15 premières minutes de l'émission, c'est, je ne dis pas de nous ennuyer, mais d'abord de nous faire oublier que nous sommes en train d'entendre une émission du Mercury Theater on the Air d'Orson Welles, de nous faire oublier que nous entendons une adaptation de La Guerre des Mondes et de nous faire croire que nous avons changé de station, accidentellement ou pas. À l'époque, les légers dérèglements, c'était assez fréquent. Donc, de nous faire croire à la véracité totale des bulletins d'information. Mais c'est une variante de ce que je disais tout à l'heure sur la capacité de Wells de retenir l'attention de l'auditeur. Là, c'est par les distractions, la musique, donc un autre bulletin d'information, de nouveau de la musique, mais une autre, de nouveau un bulletin d'information, et puis ça se précise. Donc vous avez un quart d'heure où il ne se passe pas grand-chose, mais où vous avez peur de ce qui va se produire. Et ensuite, alors autant préciser peut-être dès maintenant, le trait de génie de l'émission de Wells, bon, le premier aspect c'est oublier par tous les moyens, prendre le contre-pied absolu du Make the Theater Dear pour faire oublier qu'il s'agit de cette émission-là, de ce programme-là, et deuxièmement, jouer avec le temps d'antenne. L'émission totale dure une heure, mais au bout d'une demi-heure sur CBS, comme sur les autres réseau, vous êtes censé avoir une pause d'identification qui vous dit vous êtes sur CBS, vous êtes en train d'écouter La Guerre des Mondes, adaptation de H.G. Wells. Comme on fait ici, vous êtes sur France Culture, vous êtes en train d'écouter Les Chemins de la Philosophie. Bien entendu. Donc, au bout d'une demi-heure, c'est fini. L'auditeur ne peut plus croire au débarquement des Martiens dans le New Jersey. Ça coupe la fiction, ouais. Oui. L'astuce de Wells, c'est d'obtenir, à grand mal apparemment, mais d'obtenir que cette pause d'identification soit décalée. Donc, 37 minutes. Si on perd les deux premières minutes, évidemment, d'introduction, ça veut dire que vous avez 15 minutes de lenteur, et puis ensuite, les événements se précipitent. Si on regarde l'historique de la fabrication de l'émission, on s'aperçoit qu'au départ, les événements étaient censés se produire sur plusieurs jours. Là, la fiction réintervient. Donc, il s'est agi, au contraire, de comprimer les événements et l'auditeur, peut-être un peu perdu, accepte, ou du moins certains auditeurs ont accepté, le fait que, en un quart d'heure de temps, il se produise des événements qui réclament des heures, des jours, peut-être même des semaines. Vous avez, en dehors même des Martiens qui traversent les États-Unis, vous avez des troupes qui sont levées, qui font peut-être des centaines de kilomètres. Et ne jetons pas la pierre aux crédules, hein, c'est tellement bien fait que vous pouvez être tout à fait pris et perdre votre sens de la raison. Surtout quand on entend des extraits comme celui-là. Those preachers know what that means. What anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks and the automobiles are spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. We continue now with our piano interlude. Donc là, en l'espace d'une minute, on a des hurlements motivés par sans doute l'arrivée des Martiens. Ensuite, la voix qui signale que le programme ne peut pas continuer justement. Et ensuite, on reprend avec la musique lente de piano. Tout ça en une minute. On voit ici le condensé des techniques dont vous parlez, François. Oui, Thomas. Et puis surtout... Et le silence. Le silence. Alors voilà, vous disiez avant qu'il n'utilisait jamais de silence. Ouais. Ah si, une fois par émission. Bon, un peu plus dans celle-ci précisément. Mais le silence qui veut clairement dire... Ce qu'il dit, donc évidemment l'attention, le suspense sont renforcés. Alors ici rendons hommage à Frank Reddick, l'un des deux acteurs dont je parlais tout à l'heure, qui interprète le reporter que nous venons d'entendre. L'art ici, c'est de s'être rappelé de l'émission radiophonique sur l'explosion du dirigeable Hindenburg. Cette émission n'était pas en direct enregistrée. Mais il s'est agi pour l'acteur, Frank Reddick, de s'imprégner de la diction de ce reporter réel qui assistait à une catastrophe réelle et de reproduire en quelque sorte le même effet. Et il est arrivé, je crois, parfaitement. Si on se met vraiment dans la peau des comédiens, ce sont des tours de force, hein. Faire sentir cette réalité. Mais il y a eu d'autres types d'imitations, toujours pour rendre l'effet de réalité. En dehors des flashs d'informations, il y avait par exemple le fait que l'un des personnages, au début, Wells aurait voulu que ce soit Roosevelt lui-même qui intervienne. Voilà, Roosevelt fictif, bien entendu. CBS a dit non. CBS a dit non à beaucoup de choses que Wells a tout de même contournées. Et donc, d'après les témoignages que l'on a, juste avant l'émission, Wells dit à l'acteur, même s'il sera présenté comme le secrétaire de l'intérieur, c'est-à-dire un poste qui n'existe même pas, il lui dit « tu fais Roosevelt quand même ». Donc, le secrétaire de l'intérêt, mais avec la voix de Roosevelt, des auditeurs décontenancés qui prennent encore plus cela au sérieux et au tragique. Et juste avant l'interruption, donc repoussée à la 37e minute, vous l'avez dit, normalement c'est toutes les 30 minutes, et donc du coup la repoussée de 7 minutes crée encore plus l'effet de réalisme pour les auditeurs. On entend un dernier témoignage, c'est la voix du dernier reporter sur Terre qui se trouve sur le toit de la radio, de la maison de la radio, j'ai envie de dire. Je parle depuis le toit de la radio. Les cloches que vous entendez sonnent pour faire évacuer la ville, comme les Martiens approchent. Les trois dernières heures, 3 millions de personnes se sont enfuies par la route. La première machine arrive sur la plage et reste là, à surveiller la ville. Sa tête d'acier est à la hauteur des gratte-ciel. Elle attend les autres. Elle s'élève comme une série de nouvelles tours sur le West Side. Ils lèvent leurs mains d'acier. C'est la fin, maintenant. De la fumée sort. Une fumée noire se répand sur la ville. La fumée a atteint Times Square. Les gens essayent de s'en échapper, mais c'est inutile. Ils tombent comme des mouches. La fumée franchit la 6e avenue. Elle est à 100 mètres de moi. 20 mètres. CQ 2X2L calling CQ New York. Is there anyone on the air? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur les ondes? Is there anyone on the air? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur les ondes? Is there anyone? Est-ce qu'il y a quelqu'un? 2X2L. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the air. In an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System. Voilà, this is the Columbia Broadcasting System sur France Culture. Heureusement, l'interruption arrive, donc on comprend qu'en fait, ce qu'on vient d'entendre n'est sans doute qu'un canular. En revanche, est-ce un mythe ou est-ce la réalité? Il faut signaler que la légende raconte qu'à la diffusion de cette émission, des milliers de citoyens américains ont quitté leur maison pour aller cheminer vers le nord, apeurés par l'arrivée des Martiens. Oui, alors tel que vous le présentez, la légende est tout à fait juste. Mais il y a eu beaucoup de débats là-dessus, c'est-à-dire que manifestement la presse a exagéré le... À l'époque, bon, Wells s'est quand même retrouvé une nouvelle fois en première page des journaux. Ça fait 3 fois déjà. Oui, oui, c'est ça qui le mènera bien entendu à Hollywood. Mais il y a une légende qui s'est graduellement déformée. Hein. On a parlé, par exemple, de mort. À la limite, on félicitait Wells. De suicidé même. Ouais. Oui, bon, c'est complètement faux. Il y a eu tout au plus quelques blessures. À l'époque, il y a eu un ouvrage absolument passionnant de sociologie qui a été démonté ensuite. Il a été démontré qu'il exagérait, méthodologiquement il était imparfait. Mais on ne met pas en doute. Ce qu'on met en doute, c'est le mot panique. Parce que panique, ça veut vraiment dire quelque chose d'absolument généralisé. Non, ce qu'il y a eu, c'est des poches ici et là d'inquiétude, des gens effectivement qui y ont cru. On estime 6 millions d'auditeurs. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de contredire l'estimation qui est que parmi ces 6 millions, 1 million de personnes ont cru à cela. Mais il y a là-dessus deux réserves. La première, c'est très souvent les personnes qui ont cru, en réalité, ce n'est pas les personnes qui ont écouté l'émission. C'est celles qui ont été entraînées par quelqu'un qui avait paniqué. Donc une personne qui écoute et qui croit peut entraîner 10 personnes qui n'ont pas entendu et qui croient dur comme fer ce qu'on vient de leur dire. Et ensuite, si on prend en cours de route l'émission, on peut tout à fait ne pas comprendre exactement ce qui se passe. Donc également, parmi ceux qui y ont cru, tout le monde n'a pas cru que c'était le débarquement des Martiens. Le plus amusant, c'est le lendemain, lorsque Howard Koch, le scénariste, va chez le barbier. Il entend parler de panique, et il croit que c'est Hitler qui a envahi les États-Unis. Il se passe quelque chose de très particulier pendant quelques heures, pendant 24 heures, peut-être 48 heures même. Wells, Hausmann et les autres ne savent pas quel sort va leur être réservé. Est-ce qu'ils sont des héros ou des traîtres? Par la suite, l'instance qui régule la radio prendra des mesures pour éviter que de tels événements se produisent, même si en réalité, il y aura par la suite des imitations ici et là, enfin soit des imitations, soit des reprises dans d'autres pays. En Équateur, ça s'est très mal passé après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, puisque les auditeurs furieux ont incendié le bâtiment. Quant à Wells, il ne peut pas se plaindre. Premièrement, ça lui a valu Hollywood. Deuxièmement, une carrière radiophonique qui a continué encore pendant une petite dizaine d'années. Et je dois dire que Wells était heureux à la radio. Il a même déclaré plusieurs fois « Les meilleurs moments que j'ai passés artistiquement, c'est à la radio ». Et il termine l'émission en disant ceci: vous serez rassurés, j'espère, d'apprendre que nous plaisantions et que toutes les institutions sont toujours ouvertes pour les affaires. Donc au revoir à tous et n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour les prochains jours, la terrible leçon de ce soir. Cet envahisseur grimaçant, incandescent, globuleux de votre salon est un habitant de la citrouille creuse. Si on sonne à votre porte et qu'il n'y a personne, ce n'est pas un martien, c'est Halloween. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System. Un grand merci François Thomas d'être venu nous parler d'Orson Welles aujourd'hui. Merci. De nous avoir communiqué votre passion wellsienne et radiophonique sur France Culture, les chemins de la philosophie. Les Martiens sont peut-être là, mais en tout cas, Géraldine Mosna-Savoie vient d'entrer en studio pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez d'actualité en lien avec la philosophie et je vois devant vous le discours de Suède d'Albert Camus. Et oui, exactement Adèle. Début octobre, on a appris à qui revenait le prix Nobel de littérature, donc 2017. Il a été décerné cette année à l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro, mais il y a 60 ans. Et effectivement, c'est ça mon actualité, c'est cet anniversaire. Il était remis à Albert Camus, qui avait alors prononcé ses discours de Suède, que les éditions Folio ont réédité pour l'occasion. Et pour moi, c'est l'occasion de me demander, mais que nous livrent les artistes dans ces discours de prix Nobel? Quelle vision de leur art et de l'art en général y développent-ils? Et si les écrivains, mieux que tout philosophe, y faisaient œuvre de théorie esthétique? Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de relever là le métaphysicien. Et c'est la poésie alors, non la philosophie, qui se révèle la vraie fille de l'étonnement. Alors Géraldine, soit c'est Orson Welles qui fait un canular, soit c'est pas Camus qu'on vient d'entendre. Alors non, effectivement, bonne oreille, ça n'est pas Camus, c'est St. John Peirce. C'était en 1960, il reçoit le prix Nobel de littérature et son message est clair, la littérature, la poésie en l'occurrence, a toute la légitimité, l'envergure, la force pour prendre la place de la philosophie. Et c'est donc l'enjeu de tous ces discours de prix Nobel, comprendre ce que les artistes disent de leur art pour comprendre ce qu'est l'art, pour comprendre ce vaste concept et impressionnant concept donc catalogue d'art. Et avec ce genre de prix, c'est l'occasion rêvée pour les écrivains de le faire, de prendre par eux-mêmes et sans les philosophes de la distance sur l'art, d'y jeter un regard surplombant et réflexif, bref, d'en proposer une théorie. Mais alors, quelle théorie et comment produire une esthétique? Est-ce forcément prendre la place de la philosophie, revêtir les atours du concept, adopter sa méthode et sa finalité, comme celle de l'étonnement? Produire une esthétique, est-ce forcément produire une théorie en bonne et due forme? If a song moves you, that's all that's important. I don't have to know what a song means. I've written all kinds of things into my songs, and I'm not going to worry about it, what it all means. When Melville put all his Old Testament biblical references, scientific theories, Protestant doctrines, and all that knowledge of the sea and sailing ships and whales into one story, I don't think he would have worried about it either, what it all means. Bon, c'est toujours pas Camus, mais je crois que c'est une voix qu'on est habitué à entendre chanter plutôt, Géraldine. Exactement, décidément, Adèle, quelle oreille. Donc, ce deuxième exemple, donc, est un peu provocateur, évidemment, pour répondre à cette question de la théorie esthétique, comme le choix d'ailleurs de l'Académie suédoise qui a remis, donc, l'année dernière, le prix Nobel de littérature à Bob Dylan. C'était un saut dans l'art, dans le temps et dans l'esprit. On est passé de 1960 à 2016, de St. John Perse à Bob Dylan. On est passé d'un exposé en public, officiel, cérémonieux, où la littérature fait œuvre philosophique, à un récit enregistré et envoyé 6 mois après la remise des prix et dans lequel Bob Dylan revient donc sur ses premiers amours musicaux et romanesques et se demande ce qu'il peut y avoir de littéraire dans ses chansons. Et pourtant, l'esthétique n'est-elle pas là justement? N'est-elle pas dans ce que raconte Bob Dylan, dans tous ses mouvements de l'âme, dans tous ses ressentis, dans toute cette sensibilité déployée et touchée par les œuvres? C'est d'ailleurs bien le sens premier de l'esthétique, mais voilà, entre l'approche métaphysique d'un St. John Perse et celle très physique de Bob Dylan, où situer l'art? Quelle idée globale s'en faire? Faut-il y renoncer? Faut-il renoncer quand on écoute un artiste à découvrir une esthétique en forme théorique, ce qu'on pourrait appeler autrement dit une philosophie de l'art? Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Vous avez reconnu cette fois-ci, Adèle? Je crois que c'est lui. Voilà, c'est Albert Camus, c'est le troisième et dernier exemple pour ce journal, celui qui justifie donc toutes ces questions que je pose aujourd'hui, Albert Camus et ses deux très beaux discours de Suède. Alors que nous dit-il pour sa part? Que livrait-il dans ce discours et cette conférence qui date d'il y a 60 ans? Artiste, je cite, embarqué dans la galère de son temps, art, comme on l'a entendu, qui n'a rien d'une réjouissance solitaire, l'esthétique de Camus insiste sur les obligations de l'art. Il fait des œuvres des voix obligées par le tumulte de l'histoire, c'est-à-dire obligées, non pas à prendre un parti, mais à faire partie, à être pris au milieu de tous pour comprendre. Ni juge, ni indifférente, ni métaphysique, ni physique, telle est l'esthétique de Camus. Une esthétique tout court qui ne joue pas à la philosophie, ni à ne pas l'être du tout. Merci beaucoup Géraldine pour cette exégèse des discours du prix Nobel et pour nous avoir parlé de Camus. Et donc de ces discours de Suède, prix Nobel 57, qui sont réédités par les éditions Folio. À lire et à écouter, on a aussi l'enregistrement. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission avec David Pargamin, Louis Servet, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission, à la lecture des textes et au doublage Georges Kless et Chantal Brunner, à la prise de son Élise Le. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain pour la suite de cette redécouverte d'émissions sur la philosophie et le cinéma. Demain, nous parlerons de Sueur froide d'Alfred Hitchcock. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.